Caprice de lecture sur Fadjet, animée par Sarah. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Caprice de lecture, émission automnale, le temps s'y prête. Donc nous allons découvrir aujourd'hui trois parties. J'avais déjà envie de vous faire partager un dossier de comment aimer lire. La deuxième partie sera, comme d'habitude, une librairie insolite. Et en troisième partie, mes caprices et coups de cœur de la semaine. Commençons tout de suite avec le grand dossier « Comment aimer lire ?». Alors, comment aimer lire ? En fait, dans le cadre de ma profession, je me rends compte que de plus en plus de gens cherchent des livres, mais n'ont pas forcément envie de lire. Donc, en discutant un petit peu avec les lecteurs, on se rend compte que le fait de posséder un livre, en fait, pour eux, c'est déjà l'avoir lu, ce qui est faux. Et de plus en plus de lecteurs ont du mal à savoir ce qu'ils aimeraient lire. Donc, qu'est-ce qui se passe la plupart du temps ? En fait, on referme le livre et surtout, on n'a pas envie de recommencer un autre livre parce qu'on a encore peur d'être déçu. Du coup, aujourd'hui, j'avais envie de vous donner quelques conseils que je me suis appliqués à moi-même et qui marchent plutôt pas mal. Déjà, dans le premier conseil, c'est ne pas se laisser abattre par un échec en lecture. Alors, quand je dis ne pas se laisser abattre, c'est avant tout, j'en lis 20 pages, j'accroche pas sur le livre, je referme et je n'y reviendrai pas. Ça, on peut le faire quand on va en bibliothèque, parce qu'il est vrai que quand on achète un livre, la déception, elle est aussi... c'est une déception affective parce qu'on en attendait beaucoup, mais aussi une déception financière parce qu'on a dépensé de l'argent pour rien. Donc, dans ces cas-là, il faut pas le prendre comme un échec, mais... Moi, je pense, c'est un avis très personnel, qu'il faut plutôt se dire pourquoi j'ai pas aimé. Et quand on sait pourquoi on n'a pas aimé, petit à petit, on va savoir ce qu'on préfère. La deuxième chose, c'est trouver dans sa vie quotidienne ce qu'on aime faire, voir, pourquoi pas dessiner ou chanter. Et quelquefois, ça donne des idées sur, par exemple, lire des biographies, lire également des livres d'art, parce que c'est aussi de la lecture, tout ce qui est photographie, peinture. Et ne pas hésiter à aller dans des expos. Il y a beaucoup d'expos gratuites à Nancy et les alentours qui peuvent aussi donner des idées de lecture. Et surtout, ne jamais arrêter de chercher. Pardon. Parce que plus on cherche et plus on trouve. C'était mon conseil du jour, donc pour comment aimer lire. Je vous laisse tout de suite avec Sergio Mendes et Brasil 66 pour Mas que Nada. Que eu quero passar, pois o samba está animado. O que eu quero é samba, este samba que é misto de maracatu. É samba de preto veio, samba de preto du. Mas que nada, um samba como este tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Que eu quero passar, pois o samba está animado. O que eu quero é samba, este samba que é misto de maracatu. É samba de preto veio, samba de preto du. Mas que nada, um samba como este tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Pau, pau, pau. Bienvenue et de retour parmi nous dans Caprices de lecture. Donc dans cette seconde partie d'émission, comme je vous l'avais annoncé, nous allons parler d'une librairie insolite. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous faire découvrir une librairie itinérante qui s'appelle La Tête dans les Nuages. Alors c'est l'histoire de Laurie qui a une petite trentaine d'années et que je rencontre sur un marché il y a un an de ça maintenant, à Pulnois, donc un tout petit marché de village. Et Laurie, elle a juste une petite camionnette avec quelques livres et on commence à sympathiser et vraiment à faire connaissance. Laurie, son projet, c'est avoir une roulotte où elle pourrait accueillir des enfants, donc des tout petits, des enfants, des ados et des adultes pour faire découvrir son monde. Donc son monde, c'est pas que les livres, c'est les livres, mais pas que, mais c'est aussi les jeux de société et les jeux de développement personnel. On a poursuivi cette relation qui était une relation, on va dire, amicalement littéraire. Et aujourd'hui, Laurie est partie sur les routes de France. Elle a concrétisé son rêve. Moi, je trouve ça formidable. J'avais vraiment envie de vous faire partager cette aventure. Actuellement, elle est en Bourgogne. Elle fait plein de petits marchés en Bourgogne pour se faire connaître. Et aux dernières nouvelles, ça se passe plutôt très bien. J'avais envie de vous faire partager ce coup de cœur parce que vous pouvez retrouver ses aventures sur sa page Facebook, Librairie La Tête dans les Nuages, ou tout simplement si vous cherchez sur Google, vous verrez apparaître donc ses pérégrinations au fil des jours et au fil des mois. Vous pouvez continuer de commander sur son site internet librairietetedanslesnuages.fr. Pour poursuivre un petit peu avec la découverte, je vais en profiter pour vous faire part de deux sorties littéraires. Donc la première, c'est dimanche 7 novembre à Saint-Max, au Livre au Château, donc au Château Centre Culturel de Saint-Max, où vous pouvez rencontrer des éditeurs lorrains, y compris le Crayon à Roulotte, et vous pouvez rencontrer aussi des auteurs lorrains. Pour ne citer qu'elle, Sophie Loubière sera présente. Donc elle est lorraine, mais elle est aussi connue mondialement. Donc si vous souhaitez la rencontrer, ça se passe à partir de 10h jusqu'à 17h. Deuxième idée de sortie, toujours en lien avec les livres, ça se passera à Séchamps le 21 novembre au Centre socioculturel pour la manifestation qui s'appelle « Autour du livre ». Vous pouvez consulter le programme sur le site www.mairie-séchamps. Tout de suite, on retrouve Horace Silver en musique. We'll be right back. Caprice de lecture sur Fadjet. De retour pour cette troisième et dernière partie d'émission où, comme d'habitude, je vous fais découvrir deux caprices que j'ai beaucoup appréciés et que je vous invite à aller lire. Le premier caprice, il est de Salomé Kinner, qui est actuellement nominée pour le prix de Flore qui sera déclaré demain, aux éditions Christian Bourgois, éditeur. Salomé Kinner a 35 ans, elle est journaliste, c'est son premier roman et elle avait fait une apparition remarquée au livre Sur la place à Nancy en septembre. Dans ce livre, elle nous fait découvrir la vie d'une jeune adolescente banlieusarde de Paris, qui a des rêves plein la tête, qui voudrait être avocate, hôtesse de l'air, surtout sortir de son système familial qui ne lui convient pas, le papa est parti, la maman croule sous les tâches ménagères, sous les tâches professionnelles, et elle est un petit peu laissée à l'abandon. Du coup, elle trouve un groupe de copines dans le lycée où elle est, et où malheureusement les copines, c'est peut-être pas forcément les bonnes copines, parce qu'elle lui explique qu'elle peut faire partie d'un réseau. En fait, c'est un réseau de prostitution pour qu'elle gagne de l'argent. Donc c'est un espèce de, on va dire, de parcours un petit peu semé d'embûches de cette jeune fille qui se cherche et qui regarde passer les trains dans la banlieue nord comme elle regarderait un peu passer sa vie. Salomé Kinner est une très belle personne qui a vraiment su mettre des mots sur le mal-être adolescent chez une jeune fille de 16 ans qui veut tout sauf reproduire le schéma de ses parents. Dans un autre registre qui n'a absolument rien à voir, je vous propose un autre roman, c'est un roman témoignage, Le voyage de Miss Norma, qui a été écrit par deux auteurs américains, Tim Bauer-Schmidt et Rami Liddell. Alors celui-là, il est très émouvant, mais dans un autre registre, effectivement, parce que Miss Norma est une petite mamie qui a 90 ans, qui a vu partir son mari, malheureusement, de maladie. Elle se retrouve seule, elle-même est malade, et elle refuse de partir en soins palliatifs pour se faire soigner. Du coup, son fils et sa belle-fille, qui vivent un peu comme des nomades dans un camping-car, donc en Arizona, et qui font le tour des États-Unis, lui proposent de venir avec eux pour lui assurer une belle fin de vie et surtout lui faire découvrir plein de choses avant qu'elle ferme les yeux pour toujours. C'est un livre très, très poignant parce que les concubins racontent, donc Tim et Rami, hein, ce sont les vrais personnages, racontent comment s'est passé ce voyage jusqu'à la fin de la vie de la maman de Tim. Donc on y rencontre un peuple apache, on y rencontre une descendante de Nixon, on y rencontre une descendante de Ford, mais on y rencontre aussi une vieille femme qui a toujours vécu dans l'ombre de son mari et qui, pour une fois, maintenant qu'il est parti, va apprendre à découvrir les choses par elle-même. Donc deux caprices complètement différents, mais qui à la fois peuvent être complémentaires, que je vous invite à lire. Pour terminer cette émission, j'aimerais faire un petit clin d'œil à une amie très chère qui est partie trop tôt, Virginie, qui nous a quittés dans la nuit de mardi à mercredi. Grosse pensée pour toi Virginie, tu vas beaucoup nous manquer. Voilà, j'avais envie de te faire un petit clin d'œil. Et enfin, n'oubliez pas, le secret du bonheur n'est pas de faire ce que l'on aime, mais d'aimer ce que l'on fait. À très bientôt, vous pouvez retrouver ces chroniques sur capricedelecture.fr.